Ça fait pas mal de temps que je tourne en deux chevaux sur toutes les routes de France et de Marseille à Saint-Malo. J'ai toujours pas trouvé le point final, mais je peux dire que ça fait un bail que je roule en deux chevaux. Oh, c'est mieux qu'un vieux vélo, ouais. Oh, oh, oh. Et je tourne en deux chevaux. Oh, oh. C'est mieux qu'une grosse Merco. Roulant deux chevaux spot, une série limitée. Tu me crois si tu veux mon pote, elle a les sièges rangés. Et je vais vous dire quoi qu'on en pense, et je ne suis pas chauvin. Oui c'est ici monsieur dame en France qu'on en a fait le premier dessin. Je vis à Paris et je suis collectionneur. Je passe toutes mes journées, toutes mes heures mon deuxième appât qui sent bon le carburant et aussi le sapin qu'on accroche devant. Vous savez le petit sapin au chèvrefeuille et au jasmin, oh, au fruit rouge et au romarin. Oh, oh, on en a tous eu un. Oui, dans notre chevaux. Oh, oh, c'est mieux qu'un vélo. Ouais. Oh, oh, oh, oh, oui, ma de chevaux. C'est mieux qu'une grosse Merco. Oh, oh, yeah. Titine, vous voyez, monsieur, dame, c'est comme ma femme. Un appart bas de gamme, c'est comme une cam. Moi, l'hiver, je me balade sur les routes de Normandie et je me fais une petite escale du côté de Ville. Dans ma deux chevaux, oh, oh, oh. C'est mieux qu'un vieux vélo. Oh, oh, oh, oui, ma de chevaux, oh, oh, oh, oh. C'est mieux qu'une grosse Merco. Hey. Et une machine comme ça, ça peut pas tenir bien longtemps. Heureusement que j'ai le papa sympa depuis bientôt plus de 20 ans. Et ouais, lui, il s'y connaît en dodoche. Il me répare ses petits soucis pour qu'elle soit toujours sans reproche. Oui, ma de chevaux, oh, oh, c'est mieux qu'un vieux vélo. Oh, oh, oh. Oui, ma de chevaux, oh, oh, oh. C'est mieux qu'une grosse Merco. Oh, oh, oh. Moi, quand je roule ma poule, j'écoute du Bernard Lavillier. Mes souliers, c'est cool. Et même les chapeautés. Je suis devenu collectionneur depuis peu de temps. J'ai ma bagnole pour demeure et c'est ce qui compte pour l'instant. Oui, ma de chevaux, oh, oh. C'est mes bien vieux vélos, ouais. Oh, oh, oh. Oui, ma de chevaux, oh, oh, oh. C'est mieux qu'une grosse Merco. Oh.